De pupilos, de pupilos. Mon ami Vilos, mon ami Vilos, mon ami Vilos. La la la la la. Vilos, Vilos, j'ai envie.